360e chapitre, où les deux rivaux vont enfin se rencontrer pour de bon. « Tiens, ils obliquent à gauche !» s'écria tout à coup Fabien. « Quelle est donc leur intention? Est-ce qu'ils voudraient atterrir ?»« Non, » répondit l'ingénieur, « ils dévient de leur route parce qu'ils veulent éviter ce pic dangereux qui s'élève à quelque distance. » « Tiens, tiens, on dirait qu'ils ne marchent plus aussi vite que tout à l'heure. »« S'ils atterrissent, » dit le Parisien, « ils sont perdus, car ils vont se briser au milieu de cet amas de rocs. »« Non, tenez, voyez-les donc. Voilà qu'ils remontent. Oh, »« Il faut les rejoindre à tout prix. L'endroit est favorable. Nul n'assistera au duel qui va se livrer. Cela est préférable. » Monsieur Voirin ne répondait pas. Penché sur son volant, il pointait droit dans l'espace. Les Français gagnaient de la route. Il était certain qu'ils ne tarderaient pas à atteindre leur ennemi. Fabien avait pris son Winchester et il attendait le canon de son arme dirigé vers le monoplan ennemi. À suivre. Dans le prochain épisode, un duel dans les airs.